du 2-2-2-2 mesure. Occident la prod. Old school, new school, on a capté les codes. Les dés sont pipés, demande à Clinton et nouvelle école. T'as pas la rêve, Balek, t'aimes pas la rime, Balek. Tu fais une mafieux de Palerme, on te lève comme transpalette. Les valeurs et les principes, on n'a pas les mêmes. Je te donne ma part du gâteau, je graillerai pas les miettes. Tes histoires de bandits, de coups de balayette. Tu nous racontes ta vie, nous on s'en bat les yeux. La prod fait mal et balèze comme un garde du corps. Tu veux une check, trouve-moi dans le 9-4 au gare du Nord. Balek des quartiers chics, je me sens plus proche des taxiphones. Belek au schlac qui sonne. Y'a des schlasses qui sortent. Beaucoup de rappeurs jouent les Tupac, mais finissent tout poil. Y'a de la tisse tout part, j'suis à l'ancienne comme Baptiste Touta. Palette de BFM, leur débat sur la burqa. J'regarde un reportage sur la Castellane et la Turca. On arrive lourd sur l'instru, mec, on s'en balèque. Nos rimes sont à l'aise, l'équipe est pas nette. Pendant que Moscou roule un truc, j'éclate une canette. Je sais, faut que j'arrête, sauf qu'on s'en balèque. On rappe nos douleurs et nos craintes, ceux qui oppriment les gens. À chaque phrase, le niveau grimpe comme le prix de l'essence. Du sale en toute détente, t'as trop kiffé le bail. Et si nos rimes dérangent, Balek si t'aimes pas. On rappe nos douleurs et nos craintes, ceux qui oppriment les gens. À chaque phase, le niveau grimpe comme le prix de l'essence. Du sale en toute détente, t'as trop kiffé le bail. Balek si t'aimes pas, Balek si t'aimes pas. Comme sur Netflix, les saisons passent un jour de plus. Je gratte des rimes, les poses sur instru, ça c'est mon taf. J'ai autant de faces que de contrefaçons un jour de plus. Y'a que les rageux qui se déplacent pas comme les montagnes. La prod on la démonte, les marches on les montera. Je veux vivre en paix mais je suis qu'un homme que les démons draguent. Le temps tourne, ferme les yeux avant qu'un décompte braque. Déconne pas car comme une craie ta famille t'entoure. Une barre au crâne et dans le froc quand mes yeux s'entrouvent. Je donne mon amour à mes gosses pour moi mais ils sont tout. Comme XDDL je fais du sale et je disparais. Quand je lis les DM trop de messages nous disent pareil. Les gars lâchez pas on kiffe ça c'est le rap qu'on aime. De MEZ du R le blast que seuls les braves connaissent. Jamais dans la tendance. Big up la scrète connexe. De la poussière ou des cendres, on verra bien ce qu'on laisse. On arrive lourd sur l'instru, mec, on s'en balèque. Nos rimes sont à l'aise, l'équipe est pas nette. Pendant que Moscou roule un truc, j'éclate une canette. Je sais, faut que j'arrête, sauf qu'on s'en balèque. On rappe nos douleurs et nos craintes, ceux qui oppriment les gens. À chaque phrase, le niveau grimpe comme le prix de l'essence. Du sale en toute détente, t'as trop kiffé le bail. Et si nos rimes dérangent, Balek si t'aimes pas. On rappe nos douleurs et nos craintes, ceux qui oppriment les gens. À chaque phrase, le niveau grimpe comme le prix de l'essence. Du sale en toute détente, t'as trop kiffé le bail. Balek si t'aimes pas, Balek si t'aimes pas.